troisième temps de notre série consacrée à l'histoire de l'antisémitisme. Aujourd'hui, émission d'archives autour d'une écrivaine, Irène Némirovski. Lundi, nous avons évoqué les mutations contemporaines de l'antisémitisme. Hier, notre documentaire, conçu par Alain Lefkovitch et réalisé par Thomas Duterre, a abordé le travail de l'historien de l'antisémitisme qu'était Léon Poliakov. Et demain, nous tenterons de comprendre ce qui distingue l'antijudaïsme médiéval de l'antisémitisme moderne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour cette émission d'archives Suzanne Rubin-Souleyman, professeure émérite de civilisation française et de littérature comparée à Harvard, auteure chez Albin Michel de La question Némirovski, vie, mort et héritage d'une écrivaine juive dans la France du XXe siècle. Pourquoi donc, me direz-vous, Irène Némirovski, auteur de la suite française, dans une série sur l'antisémitisme? Eh bien parce que depuis la publication de ce chef-d'œuvre dans le monde entier, elle est régulièrement accusée d'avoir cédé à la haine de soi ou à ce que certains qualifient d'antisémitisme juif. Suzanne Rubin-Souleyman nous éclairera sur cette idée qu'elle ne partage pas grâce à des textes qui sont tirés de l'œuvre d'Irène Némirovski qui seront lus pour nous par Anne Stephens. C'est un refrain du temps passé qui chante en ma mémoire d'une fillette au cœur blessé. C'est là toujours d'histoire, un écho du passé. Sa lèvre est rose, une rose. Et ses yeux du ciel ont la couleur. Elle a de quoi plaire aux filles de roi, mais son cœur est en désarroi. Car la fille est au minois charmant et en porte. La chanson de la poupée tirée de la bande originale du film Le Bal, donc un film tiré de l'œuvre d'Irène Némirovski, l'œuvre éponyme Le Bal, effectivement, qui était un roman, et là interprété, puisqu'elle joue dans ce film, c'est son premier rôle, je crois, par Daniel Darieux, récemment disparu. Bonjour Suzanne Rubin-Souleyman. Bonjour. Merci d'être avec nous pour évoquer votre dernier livre, donc La question Némirovski, vie, mort et héritage d'une écrivaine juive dans la France du XXe siècle, par chez Albin Michel, dans une semaine sur l'antisémitisme. Et je disais en ouverture, c'est curieux de choisir une écrivaine comme Irène Némirovski, juive russe, arrivée en France avec sa famille après la révolution soviétique, la révolution bolchevique, pour traiter de la question de l'antisémitisme. On n'y pense pas a priori et pourtant beaucoup y pensent aujourd'hui. Oui, c'est un peu à cause de ça que j'ai écrit mon livre, parce que c'est un phénomène tout à fait intéressant. Vous savez, lorsque Némirovski a été, pour ainsi dire, redécouverte ou renée, littéralement renée des cendres, en 2004, lorsque sa fille Denise a publié Suite française, tout le monde était fasciné d'abord par ce livre qui est excellent, ce roman, et aussi par l'histoire tragique de l'auteur qui est morte à l'âge de 39 ans à Auschwitz. Mais presque immédiatement, quand on a republié ses livres des années 30, ses romans, elle est passée presque du jour au lendemain du statut de victime au statut d'une figure un peu haïssable, si vous voulez, la juive antisémite. Et ça, c'est très curieux. Vous êtes vous-même spécialiste de littérature. Vous avez travaillé depuis longtemps sur la littérature française. Et cette construction de cette figure littéraire, pourrait-on dire, d'Irène Némirovski est une construction très, très particulière, parce que elle était pleinement dans le monde littéraire de son époque, des années 30 en particulier. Elle commence à publier, je crois, c'est en 1927 pour le premier de ses textes, ou 1929 pour le bal en particulier. Elle commence donc à la fin des années 20 à publier, elle est très jeune à ce moment-là, et elle participe à tout ce milieu littéraire des années 30, de gauche et de droite, fasciste ou fascisant, et par ailleurs plutôt marqué très à gauche avec des influences qui viennent du Parti communiste. Et d'un seul coup, on la redécouvre 50, 60, 70 ans plus tard, et on lui fait un autre portrait d'une certaine façon, on dresse un autre portrait d'elle. Oui, mais vous savez, tout revient finalement. Il y a cette question de l'antisémitisme concerne deux aspects. D'une part, sa vie, c'est-à-dire on essaye de voir dans quelle mesure elle avait des sentiments très contradictoires envers sa propre judéité et quelles étaient ses fréquentations, à quoi aspirait-elle dans sa vie, et puis il y a ses œuvres. Alors là, ça devient une question de lecture. Comment lire les œuvres où elle met en scène des protagonistes, enfin des personnages principaux qui sont des Juifs. Et là, vraiment, ça devient fascinant parce que tout est une question d'interprétation. Est-ce qu'on réagit en disant ah bon, ben c'est terrible, c'est un stéréotype, elle trafique dans les stéréotypes antisémites, ou bien est-ce qu'on trouve une manière, est-ce qu'on trouve comme moi que ce qu'elle écrit sur les Juifs est vraiment très intéressant et pas du tout imputable, je pense, à l'antisémitisme. Alors justement, puisque vous évoquez ce travail de littérature, qui est le travail véritablement d'Irène Némirovski, parce qu'elle s'est consacrée à la littérature tout le temps, d'une certaine façon, depuis le moment où elle commence à écrire très tôt jusqu'à sa mort, puisqu'elle écrit très tardivement, jusqu'en 1942, en l'occurrence, eh bien, on va écouter un extrait du livre qui peut-être est le plus problématique aux yeux de tous ceux qui critiquent Irène Némirovski. Il s'agit de David Golder, qui est publié en 1929. Tout à fait à la fin de l'année 1929, oui. Anne Stephens. Brusquement, Seufer s'arrêta. Vous savez où nous sommes ? Non, dit Golder avec indifférence. Mon cher, ici à côté, dans la rue des Rosiers, il y a un petit restaurant juif. Le seul de Paris où l'on sache préparer proprement le brochet farci. Venez dîner avec moi. Vous ne pensez pas que je vais manger du brochet farci, grommela Golder, quand depuis 6 mois je n'ai pas touché au poisson ni à la viande. Personne ne vous demande d'en manger. Venez seulement et payez. Est-ce dit ? Allez au diable. Cependant, il suivit Seufer, qui grimpait péniblement le long de la rue, humant l'odeur des échoppes noires, qui sentait la poussière, le poisson, la paille pourrie. Enfin, il se retourna, prit le bras de Golder. « Quelle sale juiverie, hein ? » dit-il tendrement. « Qu'est-ce que ça vous rappelle ?»« Rien de bon, » dit sombrement Golder. Il s'arrêta et, levant la tête, considéra un moment sans rien dire les maisons, le linge qui pendait aux fenêtres. Des enfants se jetaient entre ses jambes. Il les écarta doucement du bout de sa canne, soupira. Dans les boutiques, on ne vendait guère que de la friperie ou du poisson, des harengs dorés, des tonneaux de saumure. Seufer montra un petit restaurant avec une enseigne en caractère hébreu. « C'est ici. Allons, vous venez, Golder ? Vous voulez bien m'offrir à dîner, faire plaisir à un pauvre vieux bonhomme ?»« Oh, que le diable vous emporte !» répéta Golder. Cependant, il suivit Seufer de nouveau. Ici ou là, il se sentait plus fatigué qu'à l'ordinaire. Le petit restaurant paraissait assez propre. Il y avait des serviettes de papier en couleur sur les tables, une bouilloire de cuivre brillante dans un coin, pas une âme. Seufer commanda une portion de brochet farci et du réfort. Il saisit avec précaution l'assiette chauffée, l'éleva jusqu'à son visage. « Ce que ça sent bon !»« Oh, pour l'amour de Dieu, mangez et laissez-moi tranquille !» murmura Golder. « Voilà un extrait de David Golder, texte qui rendit célèbre Irène Némirovski très jeune à la fin des années 20 en France. Elle écrit directement en français ce texte. Et effectivement, quand on le lit ou quand on l'entend lu par Anne Stephens, on peut se dire, ben voilà, quelqu'un qui dit « Quelle sale juiverie, hein ?» dit-il tendrement tout de même. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Eh bien, on se dit, on est dans une ambiance des années 20 ou des années 30, avec l'arrivée de beaucoup d'immigrés venant de Pologne ou d'Europe de l'Est, et qu'il y a là peut-être une sorte de dimension antisémite, parce qu'il y a une description typique d'un quartier, la rue des Rosiers à Paris, qui était justement un lieu tellement décrié par les antisémites de l'époque, Suzanne Rubin-Soleiman. Oui, mais n'oubliez pas qu'il faut toujours se poser la question qui regarde cette rue et qui regarde ces linges qui pendent aux fenêtres, etc. Et ce sont deux juifs. Alors donc, dans les œuvres antisémites, ce serait le regard de quelqu'un qui se considère comme autre, vraiment autre. Ce sont eux, les Juifs, et nous, les Français, on est un peu dégoûtés. Eh bien, ce que fait Némirovski, et cela arrive assez souvent dans ses œuvres de fiction, c'est qu'elle elle imagine une rencontre entre deux types de Juifs, ou deux Juifs, si vous voulez. Le Juif riche, et qui est déjà en voie d'assimilation, si vous voulez, enfin, qui porte de beaux vêtements à la française, qui parle très bien français, etc. Et puis, et ce juif-là, on l'appelait souvent l'israélite, si vous voulez. Et puis, le pauvre juif venu de l'Est, qui parle yiddish, qui vraiment n'a pas du tout l'air d'un bon français. Et dans cette rencontre, ce qu'elle montre, si vous voulez, c'est un peu le malaise du juif assimilé qui regarde les juifs qui lui rappelle sa propre enfance, parce que souvent, enfin chez elle, le juif qui est en voie d'assimilation a eu une enfance très pauvre lui-même. David Golder est né à Odessa, tout à fait pauvre, et est devenu riche après beaucoup d'aventures aux États-Unis, etc. Et maintenant, c'est quelqu'un de bien. Oui, bon, qui peut recevoir la bonne société française, oui, qui peut être reçu par elle d'une certaine façon, absolument, mais qui se voit renvoyé dans ce roman David Golder à ses origines par la fréquentation de ce Seufer, ou encore par la nécessité, c'est à la fin du roman, la nécessité de repartir vers l'URSS, parce qu'entre-temps la Russie est devenue l'URSS, et retourner du côté d'Odessa pour pouvoir sauver sa fille en fait. Oui, mais alors vous voyez, donc, mais quand lui, il arrive ici, il grommelle, il dit non, je ne mange pas de brochet farci, etc. Mais quelques minutes après la scène que vous avez lue, il y a un moment où Golder regarde par la fenêtre et voit traverser la rue deux juifs, un barbu, bon, tout ce qui est plus shtetl, et tout d'un coup, il a un moment de véritable nostalgie. Absolument. En repensant à sa propre enfance, qui s'est déroulée dans un milieu pareil. Parlez-nous de Christian Rabinovitch, qui est présent dans un autre texte, mais qui est très proche de ce David Golder par cette fréquentation justement de deux types de juifs dans la société des années 30, de ce Christian Rabinovitch qui est dans une nouvelle qui s'appelle Fraternité, Suzanne Soleiman. Ça c'est parfait, vraiment, c'est vraiment l'œuvre de Némirovski où on voit le mieux cette espèce de schématisation qui l'obsède en fait toute sa vie. Par là, je veux dire que on voit à l'état pur, puisque c'est une nouvelle, cette rencontre justement. Il y a donc le monsieur très assimilé, français, etc., qui s'appelle Christian Rabinovitch. Mmh. Et quand on voit ce nom, il faut quand même voir que la division intérieure du personnage est déjà écrite dans son nom. Christian, quand on s'appelle Rabinovitch, est-ce qu'on peut s'appeler Christian? Mais justement, alors Christian, c'est un homme justement qui est né en France, dont le père est né en France et qui se considère comme tout à fait français, mais en même temps il est un peu angoissé, il a des soucis pour ses enfants, son fils veut épouser la fille d'un aristocrate français, est-ce que ça va marcher, etc. Donc il a des quelques caractéristiques qu'on peut qu'elle identifie aux Juifs, si vous voulez, cette espèce d'angoisse pour l'avenir, pour les enfants, etc. Eh bien, ce monsieur Christian Rabinovitch rencontre sur le quai d'une gare un pauvre juif tout à fait typique, immigré, etc., qui, figurez-vous, s'appelle aussi Rabinovitch. Et donc, le titre de cette nouvelle, Fraternité, pose une question. Quel est le rapport avec le caractère sardonique, dites-vous, parfois, qu'il y a chez Irène Némirovski, quand elle parle de ses personnages. Effectivement, elle met les personnages dans une situation de malaise, de porte-à-faux, pourrait-on dire. Et c'est le cas sur ce quai de gare entre ces deux Rabinovitch. Ben, c'est surtout le pauvre, il n'est pas du tout malaisé. Enfin, je veux dire, il découvre que ce monsieur bien habillé, en tweed anglais, s'appelle comme lui, et lui dit, il lui pose la question, alors, donc vous êtes arrivé quand en France? Et l'autre dit, mais non, je suis né, mon père est né. Et lui dit, mais oui, mais sans doute alors c'était votre grand-père, puisque tous les Rabinovitch viennent de là-bas. Alors, donc, il accentue leur parenté, mais le Rabinovitch riche se pose la question, littéralement, qu'ai-je en commun avec cet homme? Extrait. Misérable créature, était-il possible qu'il fût, lui, du même sang que cet homme? De nouveau, il pensa, qu'y a-t-il de commun entre lui et moi? Il n'y a pas plus de ressemblance entre ce juif et moi qu'entre Sestre et les laquais qui le servent. Le contraire est impossible, grotesque, un abîme, un gouffre. Il me touche parce qu'il est pittoresque, un témoin des âges disparus. Oui, voilà comment, pourquoi il me touche, parce qu'il est loin, si loin de moi. Extrait donc de cette nouvelle d'Irène Némirovski, donc Fraternité, Suzanne Robin-Souleyman. Effectivement, c'est cette distance à la fois temporelle et spatiale que met en scène justement cette nouvelle de Irène Némirovski. Mais n'oubliez pas, qu'y a-t-il de commun entre lui et moi? C'est la question que j'appelle la question Kafka. Parce que Kafka déjà s'était posé cette question. Qu'y a-t-il de commun? Qu'ai-je en commun avec les Juifs? Je n'ai même rien en commun avec moi-même. Donc, ce sentiment, je pense que c'est ça qui est intéressant chez Némirovski, c'est qu'elle a mis le doigt sur un phénomène qui concerne énormément de juifs dans la modernité et surtout par exemple au XXe siècle. C'est le travail de Pierre Birnbaum par exemple sur les juifs d'État, les juifs de la République, etc. Absolument. C'est vraiment la question de l'appartenance, si vous voulez, et qui était ce que j'appelle dans mon livre la question juive pour les juifs. Où est-ce qu'ils appartiennent? Et s'ils veulent devenir entièrement français, allemand, hongrois, n'importe quoi, est-ce qu'ils vont jamais réussir? Et la réponse de tous les gens qui, surtout dans les années 30, la réponse était non, vous n'allez jamais vraiment appartenir pour deux raisons. Pour elle, c'était pour deux raisons, pour Némirovski. C'est que d'une part, il y a toute l'histoire des persécutions qu'ont subi les Juifs, qui fait que les Juifs sont nés dans l'angoisse, pour ainsi dire. Et puis, d'autre part, il y a le fait, donc il y a leur propre psychologie, et d'autre part, il y a le rejet qu'ils vont quand même éprouver parmi ceux qui ne sont pas juifs. Alors, dans votre livre paru chez Albin Michel, qui s'intitule La question Némirovski, vous insistez beaucoup sur ce qui vous paraît la clé de cette vision-là, c'est-à-dire que Némirovski insiste, dites-vous, sur les obstacles qui empêcherait justement les Juifs d'être pleinement dans la société qui est celle qu'ils ont choisie ou dans laquelle ils finissent de vivre. Et vous dites qu'en fait, cet Occident qui se veut un Occident libéral n'est pas beaucoup plus tolérant, accueillant à cette judéité, dit-elle, enfin c'est comme ça qu'elle le montre selon vous, Irène Némirovski, que les endroits dont ils sont partis et où ils ont fui les persécutions. Oui, enfin, quand même, je pense qu'elle voit bien que ce n'est pas du tout, pas exactement la même chose. Bien sûr. Bon, il y a quand même, par exemple, en France, il y a liberté, égalité, fraternité. Il y a quand même une idéologie de l'égalité, de l'assimilation. On accueille tout le monde, tout le monde qui veut bien devenir français. Mais en même temps, et elle en est très consciente, il y a, comme je vous disais, ces deux obstacles intérieurs aux Juifs et puis extérieurs, c'est-à-dire que même avec ce slogan de l'égalité. Malgré cela, il y a eu les préjugés, il y a eu les rejets, et surtout dans les années 30. Alors, une des raisons qui fait que aujourd'hui, certains, en particulier aux États-Unis, mais pas simplement, voient dans Irène Emirovski quelqu'un qui pratiquerait la haine de soi, c'est les fréquentations qu'avait Irène Emirovski, donc fille d'un banquier qui fuit la Russie bolchevique, qui arrive en France, qui a été élevée entièrement en français, puisque c'est pour ça qu'elle arrive à écrire aussi bien le français très rapidement. Les fréquentations qu'a donc le couple, parce qu'il y a aussi son mari, Michel Epstein, qui travaille dans une banque pendant un temps, le couple avec la bonne société, pourrait-on dire, française. On met en avant le fait qu'elle fréquente des gens qui sont des antisémites notoires, comme Paul Morand, même si on le saura beaucoup plus tard, ses écrits intimes sont encore plus forts que les écrits qu'il publie, ou d'autres. Et on se dit, mais comment a-t-elle fait pour pouvoir être à la fois dans ces cercles littéraires, de publier dans la revue, dans le journal Gringoire, jusqu'en 1942, et être justement cette juive qui va finir par être pourchassée et mourir dans les camps d'extermination? Oui, ça, c'est le côté de sa vie. Mais bon, il est vrai que Emirovski n'était pas du tout identifié à quelque chose qu'on pourrait appeler l'avant-garde ou la gauche révolutionnaire. Alors là, pas question. N'oubliez pas que à l'âge de... Attendez, quel âge avait-elle? Elle est née en 1903, donc au moment de la Révolution, elle avait 14 ans. Mmh. Et elle a vu... Elle a vu les violences dans la rue, etc., avant de quitter la Russie. Donc, je pense qu'elle avait conçu à ce moment-là une véritable révulsion pour le bolchevisme. Bon. Et... En même temps, alors, on ne peut pas dire qu'elle ait vraiment fréquenté des gens comme Morand. Elle aspirait peut-être à fréquenter des gens comme Morand. Mais quand on regarde les lettres qu'elle a écrites à Paul Morand et à sa femme, ce sont des lettres très respectueuses, etc. Donc, c'est pas une amitié, je dirais. Ah, bon, quant à Grain, il est vrai, comme je vous dis, en même temps, qu'elle aspirait à être acceptée par la bonne bourgeoisie, la bourgeoisie de qualité, la haute bourgeoisie, les membres de l'Académie française. C'est ça. J'ai comme ça une idée que secrètement, elle aurait voulu devenir la première femme membre de l'Académie française. Et à l'époque, l'Académie française était très, très conservatrice. Absolument. Et même l'Académie Goncourt, elle y a un ami qui s'appelle Gaston Chéreau, une relation qu'elle fréquente beaucoup. Et ce Gaston Chéreau, après la parution de David Golder en 1929, pousse Irène Emirovski à prendre la nationalité française, parce que pour avoir le prix Goncourt, il faut être français ou française. Et voici ce qu'elle va répondre à Gaston Chéreau. Je suis certaine que vous m'approuverez lorsque je vous aurai dit que c'est justement parce que la naturalisation française peut me faciliter l'accès du prix Goncourt que j'ai décidé d'ajourner les démarches. C'est mon vœu le plus cher de devenir française et de pouvoir dire, avec un juste orgueil, mon pays, ma patrie. C'est une grande chose. Mais justement, parce que j'y attache tellement de prix, je voudrais que cela soit absolument désintéressé de ma part, que le bénéfice moral et matériel du prix n'influence en rien un don tel que je le comprends. Je suis sûre que vous me pardonnerez de ne pas accéder à vos désirs. J'ose espérer que vous m'approuverez. Quant au prix, certes, j'aurais été heureuse de l'avoir et fière. Mais que voulez-vous, puisque c'est impossible? Voilà. Voilà donc pour cette lettre d'Irène Némirovski à Gaston Chéreau qui lui proposait donc de prendre la nationalité française pour pouvoir acquérir le droit de concourir pour le prix Goncourt avec David Golder. Et vous souriez en écoutant Anne Steffens le lire, ce texte que vous avez évidemment lu et relu pour votre travail, La question Némirovski, Suzanne Souleyman. Oui, c'est vraiment, d'ailleurs toute sa correspondance avec Gaston Chéreau est très très intéressante parce que bon, c'était un monsieur beaucoup plus âgé. Elle avait comme ça une sorte de confiance en la bienveillance des messieurs d'un certain âge, des hommes influents d'un certain âge envers elle, qui avait Henri de Régnier, par exemple, grand académicien, poète, etc., qui était presque, qui avait 50 ans de plus qu'elle, et qui faisait des comptes rendus de ses livres. Elle le remerciait toujours de manière très, très honorée, dit-elle. Bon, la même chose pour Gaston Chéreau. C'est quelqu'un, bon, il était membre de l'Académie Goncourt, très, très connecté, si vous voulez, dans les milieux littéraires. Personne, évidemment, ne se souvient de lui aujourd'hui. Mmh. Mais donc, Irène, cultive cet homme, si vous voulez, comme tous les jeunes écrivains peuvent cultiver quelqu'un qui peut les aider à frayer leur chemin. Et donc, elle lui écrit cette lettre qui est d'une noblesse incroyable, n'est-ce pas? Elle ne veut pas prendre la nationalité pour qu'on ne pense pas qu'elle l'a fait pour avoir le Goncourt. Oui, exactement. Et donc, aujourd'hui, dans notre perspective, on se dit, mais quelle ironie tragique, quelle horreur, puisque elle et son mari, s'ils avaient fait leur demande de naturalisation à ce moment-là, en 1930, sans doute l'auraient élu sans problème, puisque c'était beaucoup plus facile à ce moment-là d'avoir la citoyenneté que, par exemple, 5-6 ans plus tard, lorsque la xénophobie en France était devenue un peu assez virulente et où tout cela est devenu plus difficile. Et donc, ils ont fait leur première demande en 32, donc juste 2 ans plus tard, mais pour une raison absolument mystérieuse, cette demande n'a jamais abouti. Ils n'ont pas été refusés. Enfin, on n'a pas rejeté leur demande, mais ce n'est pas arrivé. Alors, il y a cette question, qui est une question, vous dites, effectivement, d'une très grande noblesse et qui rend cette lettre une très grande lettre, d'une certaine façon, oui. Parce qu'on y voit le tiraillement qu'il peut y avoir chez une personnalité comme celle d'Irène Némirovski, encore jeune et pleine de talent, qui pourrait espérer, effectivement, un avenir littéraire encore plus brillant. Et puis, il y a cette question qu'on a déjà abordée très brièvement avec vous, Suzanne Rubin-Souleyman, c'est la question de sa collaboration régulière à ce journal qui s'appelle Gringoire, qu'elle commence dans les années 30. Vous expliquez très bien d'ailleurs que ce Gringoire est au départ n'est pas le journal antisémite qu'il deviendra plus tard, en particulier au tournant des années 38, 37, 38, 39 et puis évidemment pendant la collaboration, mais qu'elle commence à écrire dans ce journal qui va régulièrement la publier en feuilleton ou certaines de ses nouvelles et dont elle va devenir une des plumes, pourrait-on dire, dans les années 30. Oui. Alors, quand vous rappelez, en effet, Horace de Carbuccia, qui était un journaliste comme ça, conservateur, mais pas farouchement idéologue du tout, a fondé ce journal en 1928, et avec des amis comme Joseph Kessel et d'autres. Et Gringoire est devenu, en très peu de temps, vraiment la revue où tous les écrivains voulaient publier parce que Monsieur de Carbuccia payait très bien et la revue avait une très grande circulation. Donc, Romain Gary, par exemple, il était publié la première fois dans Gringoire en 1935 et il était absolument ravi. C'était une consécration pour lui, tout débutant à l'époque. Donc, on peut pas dire que Némirovski faisait une faute énorme en voulant publier dans Gringoire dans la première moitié des années 30. Mais il est vrai que là où ça devient problématique, c'est en fait en 34 avec l'affaire Stavisky. Mm-hmm. Vous vous rappelez, Stavisky, c'était un juif russe immigré qui avait beaucoup d'amitié dans l'élite française, surtout l'élite politique, et dont on a démontré que c'était un escroc. Tout ça s'est écroulé. Et à ce moment-là, il y a eu une vague d'antisémitisme assez intéressante, puisqu'on disait c'est un étranger, ce juif étranger qui a nuit à la France, qui pourrit la France. Et c'est à ce moment-là que Gringoire, avec la plume de Henri Béraud, qui fait des tribunes politiques à partir de ce moment-là, que Gringoire devient de plus en plus antisémite. Oui, avec en particulier l'arrivée du Front Populaire, de Léon Blum au pouvoir, oui, et des diatribes effectivement de l'extrême droite, Xavier Vallat et bien d'autres, contre effectivement ce juif qui prend la tête de la France, ce vieux pays catholique, oui, dit par exemple Xavier Vallat. Effectivement, on voit comment, au bout du compte, ce journal change de ligne progressivement. On va y voir la plume de Philippe Henriot, qui deviendra le grand orateur des collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui sera assassiné par la résistance à la fin de la guerre. On voit quand même que c'est un milieu effectivement très prêt à la collaboration, si la collaboration et si la guerre intervient. Alors, la collaboration de Demirovski avec Gringoire me semble problématique, surtout entre 37 et 40. Parce que c'est en 37, par exemple, que en début 37, que Joseph Kessel quitte, enfin, ne publie plus dans ce journal, parce que Béraud est devenu vraiment féroce contre les Juifs. Elle continue d'y publier. Et je pense que c'est parce que, enfin, il y a beaucoup... c'est difficile de comprendre exactement les choix qu'elle fait. Bon, elle continue d'y publier, en grande partie, il me semble, parce qu'elle était absolument angoissée par des questions d'argent. C'est elle qui gagnait surtout pour la famille. Son mari était travaillait dans une banque, mais jamais il n'est jamais arrivé à une position très élevée. Et c'est à cause de ça. Mais si vous voulez, si on peut juste dire un mot, je pense qu'il faut réfléchir autrement à sa participation à Gringoire pendant la guerre. Oui. Oui, parce que effectivement, elle signe sous pseudonyme, un pseudonyme d'homme en particulier, qu'elle avait au tout début de sa carrière d'écrivaine, mais aussi une jeune femme, par une jeune femme, et donc d'une certaine façon, on peut presque dire que elle continue à publier alors que tout le monde chez Gringoire sait qui elle est, ses origines, etc., pendant la guerre, sous pseudonyme, et vous dites que ça n'est pas la même chose que de publier dans les années 37, 38, 39 et 40, qui sont ces années, effectivement, où l'antisémitisme sans guerre, d'une certaine façon, est le plus violent, puisqu'il ne correspond pas, justement, à un conflit qui s'est déclaré, selon vous. Ben, quand vous dites pseudonyme, pourquoi sous pseudonyme ? Parce que les Juifs, comme on sait, les lois de Vichy, le statut des Juifs promulgué en octobre 40 et puis repromulgué de manière plus forte en juin 41, interdisait aux Juifs de publier dans les journaux. Donc, elle a dû être publiée sous pseudonyme. Mais là, c'était clairement une question d'argent. Elle était désespérée pendant la guerre de ne pas pouvoir vivre avec sa famille, puisque c'était elle qui était devenue entièrement le soutien de la famille. Elle s'est réfugiée à Issy-l'Évêque, oui, du côté de la Bourgogne, oui, effectivement, pendant tout, oui, ce temps-là, à la frontière, pourrait-on dire, de la ligne de démarcation. Absolument. Et elle voulait être en zone occupée, au contraire de beaucoup d'autres Juifs. Pourquoi ? Parce que elle avait, comme ça, un lien direct avec son éditeur, avec Albin Michel à Paris. Avec Robert Spénard, qui était à ce moment-là à la tête de la maison. Et elle avait peur d'être coupée de ça si elle allait dans la zone non occupée. Cette peur de ne pas avoir d'argent, elle le retranscrit dans certains de ses textes, certains de ses romans. Un extrait du bal. Au commencement, il y avait 2 ans de cela, quand ils avaient quitté la vieille rue Favart après le génial coup de bourse d'Alfred Kampf sur la baisse du front d'abord et la livre ensuite en 1926 qui leur avait donné la richesse, tous les matins, Antoinette était appelée dans la chambre de ses parents. Sa mère, encore au lit, polissait ses ongles. Dans le cabinet de toilette voisin, son père, un sec petit juif aux yeux de feu, se raser, se laver, s'habiller, avec cette rapidité folle de tous ses gestes qu'il avait fait surnommer autrefois « feuilleur » par ses camarades, les juifs allemands, à la bourse. Il avait piétiné là, sur ces grandes marches de la bourse, pendant des années. Antoinette savait qu'auparavant, il avait été employé à la Banque de Paris, et plus loin encore dans le passé, petit chasseur à la porte de la banque, en livret bleu. Un peu avant la naissance d'Antoinette, il avait épousé sa maîtresse, Mademoiselle Rosine, la dactylo du patron. Pendant 11 ans, ils avaient habité un petit appartement noir derrière l'Opéra Comique. Antoinette se rappelait comme elle recopiait ses devoirs le soir sur la table de la salle à manger, tandis que la bonne lavait la vaisselle avec fracas dans la cuisine et que Madame Kampf lisait des romans accoudés sous la lampe, une grosse suspension avec un globe de verre dépoli où brillait le jet vif du gaz. Quelquefois, Madame Kampf poussait un profond soupir irrité, si fort et si brusque qu'il faisait sauter Antoinette sur sa chaise. Kampf demandait « Qu'est-ce que tu as encore ?» Et Rosine répondait « Ça me fait mal au cœur de penser comme il y a des gens qui vivent bien, qui sont heureux, tandis que moi, je passe les meilleures années de ma vie dans ce sale trou à ravauder tes chaussettes. » Un extrait du bal d'Irène Némirovski dans cette émission consacrée au livre de Suzanne Rubin-Soleiman, La question Némirovski, vie, mort et héritage d'une écrivaine juive dans la France du XXe siècle. Alors, ce texte, le bal, est un texte extrêmement dur, extrêmement sardonique, oui, très difficile à lire. Tant effectivement la vengeance sociale va s'exercer dans un tout petit texte très court, et on y voit effectivement cette obsession d'une femme, ce sont souvent d'ailleurs des femmes qui sont obsédées par cette question de la réussite et de l'argent dans l'œuvre d'Irène Némirovski. Comment expliquez-vous cela? Vous dites qu'il y a un rapport en particulier peut-être à la figure maternelle chez Irène Némirovski, Suzanne Soleiman. Oui, le bal, c'est un petit joyau et peut-être une des œuvres les plus connues de Némirovski. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Du côté social, ce qui est intéressant, c'est que donc Monsieur Kampf, qui était un petit juif, un tout petit juif, genre justement Stettel, Épouse et qui est maintenant devenu riche, a épousé la dactylo qui n'était pas du tout juive. Et quelquefois on entend dire c'est un couple juif, pas du tout. La dactylo Rosine, et c'est très clairement indiqué, a épousé ce monsieur parce que il y a deux aspirations, si vous voulez. Lui, il voulait épouser une Française, et elle voulait épouser un homme riche. Alors, pensant que lui, juif, etc., était riche, elle, bon. Donc, il y a deux aspirations à l'assimilation qui se heurtent, sauf qu'il devient en effet très riche. Et à ce moment-là, entre en vigueur l'autre terrible conflit dans ce texte, ce petit texte, vraiment, enfin, courte, une nouvelle, c'est le conflit entre mère et fille. Et là, en effet, dans l'œuvre de Némirovski, la figure maternelle est presque toujours, pas absolument toujours, mais 95% des fois, c'est une figure absolument terrible. Une femme narcissique, qui ne pense qu'à soi, qui ne pense qu'à sa beauté, qui veut s'amuser, et la fille qui est pratiquement sacrifiée dans ça. Alors, dans le bal, on voit la vengeance presque pathologique de la fille sur la mère. La petite Antoinette, un autre extrait d'ailleurs de ce texte, le bal, tiré d'un peu plus loin de ce texte, effectivement, où on voit la machination, pourrait-on dire, se mettre en œuvre et le piège s'ouvrir sur cette famille qui veut réussir et être vue de tous les Parisiens qui comptent. Mademoiselle Isabelle, une cousine des Kampf, professeure de musique dans plusieurs familles de riches coulissiers juifs, était une vieille fille plate, droite et raide comme un parapluie. Elle enseignait à Antoinette le piano et le solfège. Excessivement myope et ne portant jamais de lorgnon car elle était vaine de ses yeux assez beaux et de ses épais sourcils, elle collait sur les partitions son long nez charnu, pointu, bleu de poudre de riz, et dès qu'Antoinette se trompait, elle lui donnait rudement sur les doigts, avec une règle d'ébène, plate et dure comme elle-même. Elle était malveillante et furteuse comme une vieille pie. La veille des leçons, Antoinette murmurait avec ferveur dans sa prière du soir. Son père s'étant converti à l'époque de son mariage, Antoinette avait été élevée dans la religion catholique. « Mon Dieu, faites que Mademoiselle Isabelle meure cette nuit. » La petite a raison, remarqua Kampf surpris. Qu'est-ce qui te prend d'inviter cette vieille folle? Tu ne peux pas la sentir. Madame Kampf haussa les épaules avec colère. « Ah, tu ne comprends rien. Comment veux-tu que la famille l'apprenne sans ça ? Dis donc, tu vois d'ici la tête de la tante Loridon qui s'est brouillée avec moi parce que j'avais épousé un juif ? Et de Julie Lacombe et de l'oncle Martial ? Tous ceux dans la famille qui prenaient avec nous un petit ton protecteur parce qu'ils étaient plus riches que nous, tu te rappelles ? Enfin, c'est bien simple. Si on n'invite pas Isabelle, si je ne sais pas que le lendemain ils crèveront tous de jalousie, j'aime autant ne pas donner de bal du tout. » Effectivement, c'est un petit bijou, ce texte, en l'occurrence, où on voit donc une machination se tramer, malgré elle, par cette mère qui veut montrer sa réussite sociale au tout Paris et qui, évidemment, va y échouer de façon terrible à la fin de ce texte. Il y a là, effectivement, quelque chose de très particulier, Suzanne Rubin-Souleyman, vous qui connaissez si bien l'œuvre d'Irène Némirovski, c'est cette volonté de reconnaissance dans le monde. Alors, on pourrait se dire, mais tout compte fait, c'est aussi la volonté de reconnaissance dont vous parliez à propos d'Irène Némirovski soi-même, c'est-à-dire cette incapacité à y parvenir aussi, cette volonté d'être reconnue par le monde et au bout du compte, de ne pas y arriver au bout du compte. Eh bien, attention, parce que elle est arrivée quand même. Parmi les écrivains, les écrivaines, donc les écrivains femmes de cette époque, on peut dire qu'il n'y avait que deux qui avaient le respect absolu de l'establishment littéraire. Colette Il s'agit de Colette et de Némirovski. Colette qui avait 30 ans de plus qu'elle. Bon, alors donc Némirovski, malgré tout, était arrivée à une réputation tout à fait extraordinaire pour une femme, une juive, une étrangère. C'est extraordinaire les trois obstacles qu'elle avait et qu'elle avait su surmonter, enfin qu'elle a eu la chance peut-être d'avoir surmonté parce qu'elle était si bonne écrivaine. Bon, alors de là à en même temps, je pense que il y avait chez elle, et c'est ça qui fait, si on peut dire, sa grandeur d'écrivain, parce que bon, elle est morte à l'âge de 39 ans, on ne sait pas ce qu'elle aurait donné, mais déjà on voit une grande écrivaine dans ce sens qu'elle a défini elle-même comme le désir de regarder toujours derrière les masques. Et donc, ce qu'elle voit souvent, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est tout ce que les gens veulent cacher du monde. C'est pourquoi on disait d'elle que c'était une écrivaine cruelle. Et grinçante. Et grinçante et virile. c'était l'adjectif que mais c'était un grand compliment à l'époque. C'est-à-dire, elle a l'air d'une petite femme très gentille, bien habillée, etc. Mais quand elle écrit, elle est masculine, disaient tous les critiques. Donc, elle, il y a une dureté chez elle, ce qui est incroyable. Et la manière dont elle fait justement, dont elle monte ce mécanisme dans le bal est d'une dureté presque insupportable. Alors, il y a quelque chose qui est fort intéressant quand on vous lit dans votre travail sur la question Némirovski, Suzanne Rubin-Souleyman, c'est quand vous nous expliquez que cette question de l'anti-judaïsme, l'antisémitisme, la haine de soi de Némirovski ne se pose pas qu'au XXIe siècle avec la réception de son œuvre. C'est quand vous remontez aux racines, pourrait-on dire, et à la réception de David Golder, ce roman dont on parlait au tout début de notre discussion avec vous, paru en 1929, un énorme succès qui aurait pu être un prix Goncourt, on l'a compris, si elle avait accepté de prendre la nationalité française. Et vous retrouvez dans des revues, en particulier dans une revue qui s'appelle L'Univers israélite, vous retrouvez des interviews où les intervieweuses, parce que ce sont deux femmes, Nina Gourfinkel et Janine Ocher, à 5 ans d'intervalle, vont voir Irène Némirovski, cette femme qui a réussi, et lui disent « Mais quand même, ce que vous écrivez, c'est quand même un peu choquant quand on est juif dans les années 30. Ce que vous écrivez sur les juifs, c'est quand même un peu difficile. » Et on voit qu'elles ont, elles aussi, du mal à accepter ce qui est écrit par Irène Némirovski. En fait, c'est seulement la première. C'est Nina Gourfinkel qui va, après la publication de David Golder, et qui arrive avec, elle dit elle-même, je m'attendais à voir une femme sévère, etc. Or, la femme qui me reçoit avait un visage doux, c'était merveilleux. Mais en même temps, Nina Gourfinkel, en effet, fait une sorte de débat qui est merveilleux, d'ailleurs avec Nemirovski, en voulant dire, mais écoutez, vos personnages juifs ne sont pas très agréables. Et Nemirovski dit, mais c'est comme ça que je les ai vus, que voulez-vous, je ne parle pas de tous les juifs, ce sont les juifs que j'ai vus, etc. Et Gourfécule, alors, d'une manière assez bizarre, dit, mais écoutez, Lacretelle, lui, il sait... Jacques de Lacretelle, il a écrit un livre, Le Retour de Zilberman, qui est publié maintenant, il est bon, lui. Alors, Nemirovski dit, ah oui, mais il ne connaît pas très bien les juifs, mais en fait, Zilberman et Le Retour de Zilberman de Lacretelle, lui, aujourd'hui, nous paraissent comme des œuvres tout à fait antisémites. Alors, donc, Gourfécule pose ces deux livres comme modèle pour Nemirovski. Par contre, Jeanine Hochère respecte et admire beaucoup Nemirovski. Elle lui pose des questions, mais en même temps, elle n'essaie pas de débattre avec elle. Oui, vous dites d'ailleurs, dans cette interview, Irène Nemirovski, en 1935, dans l'Univers israélite, répondant à Jeanine Hochère, dit « Je suis beaucoup trop fier d'être juif pour avoir jamais songé à le renier. » C'est ce que vous notez, en l'occurrence. Ce qui est très intéressant dans votre travail, Suzanne Roubine-Souleyman, reprenons ce cas justement de supposé antisémitisme juif ou de haine de soi, c'est que vous vous dites, il y a quelque chose, et là c'est la théoricienne de la littérature que vous êtes qui parle, vous vous dites, que fait-on quand on ouvre un livre et qu'on sait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on sait qu'il y a eu la Shoah, et qu'on ouvre un livre des années d'avant, et qu'il y a ce que vous appelez la première morsure du stéréotype. C'est-à-dire que le premier stéréotype qui arrive, on le voit, et ensuite, cela nous empêche de lire la totalité de cette œuvre. Et ça, c'est tout à fait passionnant. J'ai trouvé que c'était une vision tout à fait remarquable de ce que pouvait être le travail forcément anachronique d'une lecture d'aujourd'hui d'une œuvre qui est bien plus ancienne. Oui, et même comme vous disiez, même à l'époque, c'est-à-dire que en fait les lecteurs étaient divisés, même à l'époque. Il y en avait qui pensaient que David Golder était une grande œuvre, et je parle maintenant des lecteurs, de tous les lecteurs, mais aussi des lecteurs juifs, et d'autres qui déjà à cette époque se disaient révulsés en disant « mais vous nous faites paraître vraiment mauvais aux yeux des autres ». Et cette angoisse justement des lecteurs juifs, ce que vous montrez n'est pas bien pour les juifs, c'est pas bon pour nous parce que vous montrez, vous êtes trop dur. Bon, alors, mais en ce qui concerne la morsure, ce que j'essaie de montrer, c'est en effet que la lecture est une expérience absolument passionnelle. Peut être une expérience tout à fait passionnelle. Et quand un lecteur concerné, par exemple, d'une minorité oppressée, opprimée, quand un lecteur qui appartient à cette minorité lit dans un ouvrage quelque chose qui le fait broncher en disant « Ah non, mais c'est terrible, ce personnage se présente d'une manière très méchante et donc je me sens concernée puisque ça semble suggérer que tous les juifs sont comme ça, tous les noirs sont comme ça, parce que les noirs aussi, aux États-Unis par exemple, sont une minorité exactement, enfin pas exactement mais semblables et qui ont des réactions semblables. Oui. Et vous dites qu'après la première morsure du stéréotype antisémite, tout ce qui suit trouve sa place. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout se remet en place et on se dit, ben voilà, c'est un écrivain ou c'est une écrivaine antisémite. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on lit le livre comme une sorte de roman à thèse, si vous voulez, qui montre la méchanceté des Juifs. Or, moi, j'ai fait tout un travail sur le roman à thèse et je peux vous assurer que, dans ma lecture, Nemirovski n'écrit pas de roman à thèse. C'est-à-dire, elle ne veut rien démontrer. Le roman à thèse veut démontrer quelque chose. Et lorsque, par exemple, pour prendre un roman à thèse assez, Paul Bourget, dans 1901, il fait un roman intitulé L'étape où il y a, en effet, il y a les bons et les méchants. Alors, les bons, ce sont des catholiques, etc. Les méchants, eh bien, c'est mélangé, les anarchistes, mais aussi les juifs, si vous voulez. Alors, là, c'est un mot divisé. entre bons et méchants. Chez Nemirovski, je ne vois pas un monde divisé entre les bons et les méchants. Elle voit tout le monde d'une manière cruelle. C'est ça. Et on peut dire effectivement que cette vision ironique ou sardonique, dites-vous, du monde, et d'ailleurs peut-être ce qui fait que parfois on a du mal à lire Nemirovski aujourd'hui, tellement son style est merveilleux, mais où on se dit elle n'aime pas beaucoup ses personnages. Oui, avec à quelques exceptions près. À quelques exceptions, dans Les Biens de ce Monde, un roman sur la famille bourgeoise française, elle est vraiment très gentille. Les gens qui se sont mariés par amour, les Michauds dans Suite française, elle a beaucoup de sympathie pour eux. Mais en général, c'est vrai, elle voit le monde avec des yeux désenchantés. Et puis, j'aimerais qu'on termine là-dessus avec vous, Suzanne Roubil-Souleyman, à propos de votre livre sur la question Nemirovski. Vous dites en fait, voilà, j'ai travaillé pour faire ce livre sur les positions des uns et des autres sur Nemirovski, mais en fait, dans ce face-à-face entre partisans et opposants de Nemirovski, aucune partie ne l'emportera, dites-vous, car la subjectivité est souveraine dans la fiction. Ça, c'est formidable que de dire ça. Vous êtes persuadé de cela ? C'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne peut pas se faire une opinion, voilà. On ne peut pas terminer cette émission en disant oui, elle était antisémite ou elle pratiquait la haine de soi, ou au contraire non, chacun se fait son opinion. En ce qui concerne la lecture, fiction. Je pense que en ce qui concerne la lecture, comme je disais, c'est une expérience passionnelle. Et si quelqu'un est convaincu avec passion du sens d'une œuvre, il est très difficile de déloger cette personne de sa conviction. J'essaye de montrer dans mon livre comment on pourrait lire les œuvres de Nemirovski dans une autre perspective. C'est-à-dire qu'elle met en scène les malaises et les contradictions de l'existence juive dans la modernité. Et que, justement, c'est par cette mise en scène qu'elle est intéressante, selon moi. Oui, c'est ce que vous dites, c'est cette conscience dédoublée qu'elle met en scène dans ses romans et dans ses textes. Et vous dites qu'elle devrait être vue non comme une femme souffrant de haine de soi, mais comme une juive qui savait exactement où remuer le fer dans les plaies les plus profondes de la judéité. Merci beaucoup, Suzanne Roubil-Souleyman, d'être venue nous présenter votre dernier ouvrage dans cette semaine de la Fabrique de l'Histoire, qui s'intitule « La question Nemirovski, vie, mort et héritage d'une écrivaine juive dans la France du XXe siècle », paru chez Albin Michel. Merci. Merci à vous. Une émission qui était préparée, comme d'habitude, par Aurélie Marseille, par Francesca Fossati. Clément Berman était avec nous aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Et merci à Anne Stephens pour les lectures des textes d'Irène Nemirovski.